sans motif. Voir la merde. Je mets ça à Blois. Pas là pour narrer des histoires, moi je fais du son tous les vendredis soirs. Je mène la même vie qu'avant, sauf que je traîne plus entre mes discours. Mais dire quoi à ces bouffons qui se croient à Manhattan. Moi je me sens pas chez moi quand j'ai qu'à des faux manatables. Bourrage là, on n'est pas de ceux qui s'inventent un vécu. Ni mec censé sincère comme le message que je véhicule. On s'en sort comme on peut, mais sans passer pour des gangsters. Je ne rêve pas de strasser paillettes, je voudrais juste voir le grand air. Censé dans mes propos, j'écris mes textes sur mon portable. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche car la flotte n'y est pas potable. Ça papote dans mon dos, j'appelle ça la bêtise humaine. Je fais du black. Personne leur vie qu'ils la bâtissent eux-mêmes. J'ai pas un fond méchant mais sur ma vie n'en profite pas. T'es pas parler comme de la merde. J'suis pas du genre à faire profil pas donc fuis pas. J'ai rien d'un mec inaccessible. J'aime pas les gens qui se la pètent. Y'en a d'autres sages que ma mine accessible. En un des cas pendant mon mic, pas de billard j't'entends. Et si le soir j'dors trop mal c'est que j'rêve d'abondance. Non c'est pas j'aime si t'as choisi ton créneau c'est licite. Bah j'te félicite d'avoir outragé ma milice. Et ouais le coco pas baston c'est missile. Moi j'vise l'intérieur de la tête. Intègre dans mes textes les rois testent. Et si un jour j'grimpe donne-moi la paix. Génération Emmaüs, RDV dans 10 piches, en bitume pour voir qui cruche. Les vrais putes, les premières brutes, si je t'ai perdu, tant pis. Au moins j'aurais servi là où les brutes épaissent sans lise. Appelle ma pousse, capé sans rire. T'as vu ce qu'ils font de notre cible, une attraction qui pousse au crime. Je cache une arme derrière chaque crime. Garde profil, pas de profit, pas de novice. Garde, c'est bon pour les novices. Sache, la rue n'est pas notre système. J'anime les consciences comme sur un lit d'hôpital. Verbal, électrochoc avant qu'on finisse tous au mitard. Sans motif, fais le mort à la mer. On vit dans le vrai, le moral mort. Seul but, lâche les mots à la mer. Mon frère, on vit dans le vrai. On est comme Rital, j'irai pas plus vite, on n'a pas le temps. On s'accroche au micro, on débarque pour donner le ton. Sans motivé, mort à la mer, on vit dans le frais, le moral mort. Sans vite, lâche les mots à la mer. Frère, on vit dans le vrai. On est comme Rital, j'irai pas plus vite, on n'a pas le temps. On s'accroche au micro, on débarque pour donner le ton. Tiens ma t'es stress, duo de ma t'es ni vec, pourquoi t'es triste? Parce que le monde s'écrase, on part des ailes, atterrissage hors piste. Pour ça les hommes disent trop et les femmes juste pour des strass. Et des paillettes, des putes empaillées. Ce monde je veux le pailler, très rare sur les vaillants. Tu sais le respect s'acquiert en fracassant des mecs. Et les liens familiaux s'enterrent en agaçant les mères. Ma génération vend de la drogue et des jeans gesta. Rêve de braquer la poche avec une Winchester. Triste constat, j'assure que ça change, j'espère. Mais que les clagettes sous les yeux qui ne s'étonne pas qu'on se perd. Désespère, course au trésor des vraies valeurs. L'amitié à l'amour, c'est bon qu'à salir. Ça veut jouer les starlets, fait du next, made in France. Vieux la gauche, c'est les US, moi je vis dans la défense. Je suis venu parler, un micro comme mégaphone. Je m'adresse à mon prochain, car les stars nous affolent. Le coup de la vie prend une claque dans les ratiches. On nous prétend le contraire, mais on se rend compte que c'est ratriche. Ceux-là sont les mêmes qui multiplient leur paye par trois. Encore une preuve que nous n'avons pas tous les mêmes droits. Notre pouvoir d'achat n'est plus qu'un droit de survie. Nos villes tiennent plus la route comme une caisse qui survire. On roule sur les gens, ça trop marcher dans les clous. Leur machine est bien huilée pour nous resserrer les écrous. Pendant ce temps-là, nous, c'est notre ceinture que l'on sert. On se prive de tant de choses pendant que d'autres se resserrent. C'est ça la vie, y'a moins de haut que de bas. Et dire qu'on se prend la gueule pour des embrouilles à deux balles. Regarde la tournure que les choses prennent autour de nous. Du coup, les soucis s'en mêlent sans espoir que nous se dénouent. Sans motif, fais le mort à la mer. On vit dans le vrai, le moral mort. Seul vite, lâche les mots à la mer. Mon frère, on vit dans le vrai. J'irai pas plus vite, on n'a pas le temps. On s'accroche au micro, on débarque pour donner le ton. Sans motif, fais mort à la mer. On vit dans le frais, le moral mort. Sans vite, lâche les mots à la mer. Frère, on vit dans le vrai. Pour les comédages, j'irai pas plus vite, on n'a pas le temps. On s'accroche au micro, on débarque pour donner le ton. Sans motif, sans motif, sans motif, sans motif. Sans motif.